On va parler de qui? On va parler d'un Québécois qui réussit sur la PBA. C'est quoi la PBA? C'est le gros circuit américain de quilles, de gros skis. Et c'est présenté sur Fox. Donc c'est quand même pas rien ce qu'un Québécois de Québec, François Lavoie, a réussi l'autre jour une partie parfaite lors de la 8e de finale. Question de savoir un peu son background et comment il vit ça, on lui parle. Salut François! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. François, d'abord, partie parfaite dans le cadre de la PBA. Pour rejoindre le circuit de la PBA, j'imagine que c'est un circuit que je connais quand même. Là, on voit ça sur Fox de temps en temps et sur les canaux américains. C'est pas n'importe qui. Comment ça fonctionne en fait? J'imagine qu'il y a un circuit mineur, il y a un circuit mineur avant d'atteindre ça. Ouais, c'est un parcours. Bon, pour moi personnellement, c'est un parcours qui a été assez long. J'ai déménagé ici. Je suis venu à l'université américaine. Donc, pendant 4 ans, j'ai joué mon bowling collégial. Ok, de la NCAA, c'est ça? Pardon? C'est la NCAA. Oui, c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Puis après ça, bon, ben. En même temps que ça, dans le fond, j'ai commencé à m'impliquer au niveau le PBA Regional, qui appelle. Ça fait que c'est des un peu comme le circuit mineur, comme tu disais, là. Puis après ça, quand j'ai terminé l'école, là, je me suis joint au circuit professionnel à temps plein en 2016. OK. Dis-moi, si on parlait un peu, d'où part cette passion des quilles, là? Ça a commencé avec mon père. Je dis toujours, mes parents me disent que j'ai commencé à jouer quand j'avais 2 ans. Je les écoute quand ils me disent ça. J'ai pas de souvenir de quand j'ai commencé à 2 ans, mais ça a vraiment commencé avec mon père. Lui, c'était un joueur de quilles. Il jouait dans quelques ligues, puis pas au niveau professionnel ou rien comme ça, mais ça a commencé comme ça. Puis petit à petit, j'ai persisté, puis j'aimais ça, puis j'ai continué, puis je dirais que mon premier gros tournoi a été en 2009 au championnat canadien. Je me suis qualifié, j'avais 15 ans, je me suis qualifié pour l'équipe nationale canadienne des moins de 21 ans. Okay. Puis ma première expérience internationale a représenté le Canada en 2010 au championnat mondial junior en Finlande. J'ai gagné une médaille de bronze. Puis c'est comme ça, c'est ce moment-là qui m'a donné la piqûre. Là. Je dis toujours aux gens, c'est vraiment ça. C'est là que ça a tout commencé pour moi, le bowling. À prendre ça sérieusement, puis à vouloir poursuivre une carrière là-dedans. Dis-moi, normalement, je compare ça un peu avec le golf. Il y a différents terrains, il y a différentes stratégies à adopter. Est-ce que les quilles, c'est la même affaire? Parce que le salon de quilles à Dolbeau, Mississassini, le salon de quilles où ce que tu joues dans la PBA, j'imagine que c'est pas le même salon. C'est quoi la différence entre une allée de quilles d'un PBA et une allée de quilles d'un circuit mineur? Ou encore jouer pour le fun? C'est quoi il doit y avoir une différence, évidemment? C'est la différence majeure, ça va être l'huile qu'il y a sur l'allée. Okay. Donc l'allée en tant que telle, les dimensions sont toujours pareilles, sont pareilles partout. C'est 60 pieds, il y a 39 planches sur l'allée, tout est pareil partout. Okay. La seule différence, c'est que nous, tu dis comme au golf, il y a différents terrains, il y a des trappes de sable, il y a de l'eau. Nous, c'est l'huile, c'est un adversaire qui est invisible dans le fond. Dépendamment de comment l'huile est répartie sur l'allée, ça rend les choses plus faciles, plus difficiles, un peu comme un parcours de golf qui est facile, qui est difficile. C'est un parcours de golf au US Open versus un parcours un petit par 3 n'importe où. Là. Fait que tout dépendamment de l'huile qui est utilisée, le type d'huile qui est utilisée, puis comment l'huile est répartie sur l'allée, c'est ça qui fait que des fois c'est plus difficile, des fois c'est plus facile. OK. Donc ça te prend-tu de la pratique? Ça te prend-tu de connaître... C'est-tu de connaître les allées que tu vas jouer? C'est-tu avant de faire le tournoi? C'est ça la stratégie? Quoi? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup de pratiques qui vient là-dedans aussi. On a plusieurs boules différentes. Si on garde l'analogie du golf, c'est comme les différents bâtons au golf, les différents clubs. Il y a des drivers, il y a un putter, c'est des affaires même. Fait que différentes boules vont réagir différemment sur l'allée. Certaines vont donner plus de courbes, certaines vont donner moins de courbes. C'est ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup de pratique, c'est beaucoup de technique. C'est un sport de répétition, hein. C'est pas un sport contact ou rien comme ça. Fait que ça prend beaucoup de pratique pour maîtriser la technique, puis beaucoup de stratégie qui entre en ligne de compte aussi. Puis là, j'imagine, tu es sur le circuit PBA, donc ça veut dire que tu es vraiment là, sur un circuit majeur. Donc, j'imagine que tu te promènes à travers les États-Unis de partout en de ville en ville. Ouais, c'est ça. Habituellement, là, c'est sûr que cette année, c'est la vie est un petit peu plus différente, mais Ouais, comme tout le habituellement, monde. on Comme tout le monde. voyage. Ouais, habituellement, on voyage partout aux États-Unis. Le PBA Tour, le circuit habituellement, le circuit hivernal, comme on l'appelle, c'est le circuit majeur. C'est de janvier jusqu'à avril environ. Ça, après ça, à l'été, il y a un circuit estival qui est un petit peu plus petit. Il y a moins de grosses bourses, mais il y a quand même des tournois à jouer. À l'été, les tournois en Europe sont très populaires aussi. Puis habituellement, là, c'est sûr que cette année, on n'a rien, mais habituellement, à l'automne, c'est la saison du circuit mondial. Fait que le World Bowling Tour qui appelle. Fait qu'habituellement, à ce temps-ci, on serait en Thaïlande, en Corée, au Japon, en Malaisie, au Moyen-Orient, puis quelques tournois en Europe aussi. Donc c'est très très très très majeur. Y a-t-il moyen de gagner bien sa vie sur la PBA? Oui, il y a moyen. C'est Ouais, sûr que bon, comme toi là, les la bourses sont tienne pas là. les mêmes. Ouais, moi c'est ça que je fais personnellement depuis 2016. Ok. C'est ça que je fais à temps plein. Je fais juste jouer au hockey, voyager, puis je suis l'argent en fait. Hein. Si y a un tournoi en Thaïlande qui paye 50 000 $, ben c'est là que je vais. Puis je fais juste suivre l'argent, mais c'est ça que je fais depuis 2016 à temps plein. OK. Est-ce que sur le circuit de la PBA, dis-moi, est-ce que y a-tu bien. On voit beaucoup ça sur Fox, on voit beaucoup ça sur ESPN, on a vu ça sur. Je pense que TSN y en présente également. Mais c'est partout dans le monde en réalité. Le circuit de la PBA, en grande majorité, Ouais. est centralisé ici aux États-Unis. Ouais, OK. Comme je disais tantôt, il y a un circuit européen, il y a un circuit asiatique, puis il y a un circuit mondial aussi. Mais le circuit de la PBA, c'est de loin le plus gros, le plus prestigieux, le plus difficile. OK. Là, on a entendu parler de toi beaucoup parce que t'as réussi une partie parfaite lors des huitièmes de finale, mais sur le circuit de la. Tu te classes combien à peu près parce que j'imagine que c'est un peu comme le golf, là. Ouais. C'est un peu pareil, il y a un classement, et ainsi de suite. T'es Ouais. classé où là-dessus? Moi, c'est ben cette année, j'étais qualifié, j'étais 9e à la fin de la Ah, c'est saison bon. au classement. Ouais, j'étais qualifié 9e. J'ai eu une très bonne année cette année. Habituellement, bon, ça varie d'année en année. Mais je dirais que je suis un joueur environ un joueur du top 20, top 25. C'est très, très, très, très bon. Tu t'attendais-tu, c'est-tu la partie qu'on a entendu parler de toi, c'est-tu ta meilleure partie à vie? C'est une partie qui va marquer ma carrière, certainement. OK. Je ne sais pas nécessairement si c'était ma meilleure partie à vie. C'est difficile à dire parce que bon, dans le passé, j'ai gagné 2 fois le US Open. Ah. Fait que c'est difficile de dire que d'une partie de une partie parfaite serait meilleure que la partie en finale quand j'ai gagné mon premier US Open ou le deuxième. Je suis pas prêt nécessairement à dire que cette partie-là était meilleure, mais c'est certainement une partie qui va marquer ma carrière, puis une partie que je vais me rappeler longtemps. OK. Dis-moi, la PBA, on voit ça avec spectateurs normalement, mais comme tous les sports professionnels, il n'y a pas de spectateurs actuellement, puis c'est différent. Est-ce que pour un joueur de hockey, c'est différent? Avec spectateurs, Oui, pas différent? c'est différent, surtout quand on arrive au show de télévision là. C'est Ouais. habituellement il y a des spectateurs qui sont assis sur le long de l'allée, On voit pas ça habituellement, là, les spectateurs assis sur l'allée. Mais à la télévision, habituellement, il y a soit des personnes là sur l'allée comme ça. Fait que de pas avoir personne là, de pas avoir de son, d'ambiance, de rien comme ça, c'est vrai que c'est super différent. Mais bon, on est tous des professionnels, là, on s'habitue à un moment donné, puis c'est d'une manière ou d'une autre, on fait juste jouer au bowling. Ben François, félicitations, c'est quand même quelque chose. Moi, je te connaissais pas du tout. Écoute, au Québec, si t'es pas un joueur de hockey ou encore un sport professionnel, moi je connais le circuit de la PBA, je te connaissais pas du tout. Mais félicitations, bravo, c'est un exploit quand même extraordinaire. Puis un gars de Québec qui fait parler de lui, félicitations. Viens-tu au Canada souvent? Viens-tu? Ben, pas aussi souvent que j'aimerais. J'habite Ok. j'habite aux États-Unis maintenant à temps plein. Habituellement, j'essaie de revenir à peu près 2-3 fois par année, sauf que là, cette année, d'après moi, ça n'arrivera pas. Alors, c'est sûr, les frontières sont fermées. François Lavoie, un gros merci, au plaisir de se parler. Merci, Danny. À François la prochaine. Lavoie qui a réussi une partie parfaite sur le circuit de PBA Bowling. Vous avez pu voir ça sur le réseau Fox.